Ma chère, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai quitté l'Afrique, voilà 12 jours. Mais j'ai également le malheur de vous dire que je ne rentre pas auprès de vous. On m'a affecté au commandement d'une tranchée de la Marne après le décès de mon prédécesseur. J'abandonne mes fiers tirailleurs sénégalais pour rejoindre les braves soldats français pour défendre nos terres. C'est une toute autre atmosphère qui règne ici. J'ai entendu tellement de choses à propos du front que je ne peux m'empêcher de croire que certaines sont surréalistes. Je suis arrivé tard dans la nuit hier et le soleil se lève à l'instant où je termine cette lettre. Il me tarde de vous revoir enfin et de passer le reste de ma vie à vos côtés. Je vous aime. Germain. Capitaine, c'est bon. J'ai rassemblé les hommes près de la Grosse Madeleine. D'accord. Attendez, la quoi ? Le canon d'artillerie principal. Ah, ok, très bien. J'arrive. Waouh ! Sympa, votre cabane. Restez sur le pas de la porte, là, je vous ai pas dit d'entrer. Ah. Dites-moi, soldat. Moi, soldat ? Qui est en charge du courrier, ici ? C'est Postier. Oui, mais son nom ? Postier. L'officier de communication s'appelle Postier ? Ouais, Bah, quand il a été mobilisé, il était tellement inapte à rien qu'on lui a dit « Ah, Postier, vous vous occuperez du courrier. » Et encore, il a eu de la chance, hein, parce que le soldat de la tribu... Ouais, super, je m'en fous. Bon, donnez ça à courrier. Postier. Pour l'arrière. C'est quoi ? Oh, c'est une lettre destinée à mon... Mais attendez, bah, ça vous regarde pas ? Oh, vous savez, ici, tout le monde lit le courrier de tout le monde. Hein. Enfin, ceux qui savent lire. Ouais, bah, ça va pas durer, croyez-moi. De ce qu'on m'a dit, il y a un sérieux manque de discipline. Les choses vont changer ici, je vous le garantis. Allez, dégagez-moi ce qui reste du plancher, l'argent de les autres. Je disais ça comme ça, hein. Et rendez-moi la lettre. Je la posterai moi-même. Tenez. Oh la vache ! Eh, c'est une vraie machine à écrire ? Oui, c'est une vraie. Maintenant, barrez-vous. Oh, trop sympa ! Et j'ai toujours rêvé de... Ah ! Ne touchez pas ! C'est fragile et c'est pas à vous. Allez rejoindre les autres près de la Grande Simone. La Grosse Madeleine. Du vent ! C'est moi qui ai trouvé le nom. On donne des noms de femmes à tous les canons ici. C'est intelligent, ça. On en a reçu un la semaine dernière. Si vous voulez, on peut lui donner le nom de votre femme. Comment elle s'appelle ? Putain, c'est maladif de vous mêler de ce qui vous regarde pas ? Estimez-vous heureux que je vous ai déjà pas montré la sortie avec ma botte ? Eh, on monte les choses avec le doigt, hein, pas avec le pied. Ah ! Comme ça ! Eh, capitaine, ça va pas ? Vous en voulez un autre ? Vous êtes pas sympa. Mais foutez le camp, nom de Dieu ! Moi, je voulais juste être sympa, m'intéresser à vous, à ce que vous faites. Bien. Bonjour à tous. Bah, restez pas dans mes pattes, vous. Ouais. Je suis le capitaine Plouen. Je remplace feu le capitaine Gerbia. J'ai cru comprendre que vous étiez sous les ordres du lieutenant Fabrice Mantier ces 15 derniers jours, c'est ça ? Ouais. Ah bon ? Approchez, lieutenant. Exposez-moi la situation. Bon, on a creusé des tranchées, puis aussi on a creusé des tranchées, puis des fois on les attaque, puis aussi nous attaque. Puis des fois les bombardes, puis des bombardes là, puis des fois où la police. Allez, ça va, ça c'est bon, c'est bon, j'ai compris, Donc, la situation n'évolue pas, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ah oui, c'est ça là. Répondez oui, mon capitaine. Ah oui, mon capitaine. Ça fait combien de temps que c'est comme ça ? Ah oui, mon capitaine. Putain, répondez pas bêtement, réfléchissez à la question. À peu près un an, mon capitaine. Bon, très bien, retournez à votre poste. Vous voulez pas savoir plus, mon capitaine ? Non, ça va. C'est déjà assez insupportable comme ça de vous écouter parler. C'est pas de sa faute, capitaine. Il s'est pris un choc par une grenade. Ouais. D'accord. C'est ça qui l'a rendu un peu lent à la réflexion ? Ah non, il était déjà con avant. C'est juste qu'il s'est réveillé avec cet accent. Bon, vous savez quoi, lieutenant ? Oubliez ce que je vous ai dit. Répondez pas oui, mon capitaine, mais... hochez plutôt de la tête. Comme ça, là ? Ouais, voilà, mais sans parler. Parfait. Bon, la situation peut pas rester comme ça. Je vais mettre en œuvre rapidement une stratégie d'attaque pour faire avancer le front. Mais je veux faire le tour de la tranchée pour savoir quels sont les effectifs et le matériel dont nous disposons. Vous, là, venez ici. Moi ? Non, vous. Moi ? Non, mais pas vous. Lui ? Non, moi. Moi ? Mais non, lui, pas là, vous. Non, idiot, non. Parle de moi. Vous, là. Mais non, moi. Toi, oui, capitaine. Non, surtout moi. Pas vous. Moi. Moi ? Non, moi. Parle pas de toi, non, pas moi, toi. Alors. Lui. Oui, vous. Votre nom ? Caporal Edouard Layol. Ah, c'est vous ? Oui, mon capitaine. On m'a dit que vous assistiez le lieutenant ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Du coup, vous avez lancé les offensives, vous avez planifié les opérations, vous avez fait de la reconnaissance, étudié l'ennemi, fait l'inventaire du matériel, aménagé les tranchées, consolidé les tunnels, briqué vos armes, décrassé les munitions, nettoyé les canons, soigné les blessés, désinfecté vos masques à gaz. Non, mon capitaine. Bon, bah vous avez fait quoi alors ? Eh bien, personnellement, j'ai aiguisé ma baïonnette. Et puis on a fait un tournoi de belote la semaine dernière. Hein? On a fait rôtir une perdrix aussi. Ah oui, c'est vrai. Avec des petits oignons grillés, c'était sympa. C'est fou. Vous vous foutez de moi, là? Ah non, non, je vous jure, elle était super bonne. Mais c'est pas vrai, vous êtes vraiment les derniers des incapables. Voire même les derniers des derniers. Vous avez laissé la tranchée vulnérable pendant 2 semaines. Je devrais tous vous faire fusiller pour avoir manqué à votre poste. Surtout vous deux. Bah, compute, c'est pas de notre faute, hein. Les Allemands, ils attaquent pas, hein. Ne mentez pas, vous venez de me dire le contraire. Ça, c'était avant, hein. Ça fait 1 an qu'on les a pas vus. Et de quoi vous mêlez-vous, vous? Vous êtes cuisinier, à ce que je sache. C'est vrai, mon capitaine, mais... Permettez-moi de vous offrir mes services au fond. Vous verrez, vous le regretterez pas. Hors de question. Retournez à votre poste. Mais, capitaine... Mais vous allez obéir, oui? Mais c'est pas croyable, ça! Y en a pas un qui soit foutu de suivre les ordres, ici! Je commence à croire que le capitaine Jarbia s'est suicidé à cause de vos codes... Et attendez une minute. Le capitaine a été tué par une grenade, non? Ouais. Donc c'est que les Allemands ont attaqué récemment. Non, capitaine. C'est juste que... les capitaines et le lieutenant ont trouvé des raquettes de tennis. Et voulaient jouer avec. Mais ils avaient pas de balles, alors ils ont pris une grenade. Oh putain, mais où est-ce que j'ai atterri? Je vais retourner en Afrique, moi. Non. Si j'ai atterri ici, c'est pas pour me punir, mais c'est bien parce que j'étais le seul capable de remettre de l'ordre dans cette tranchée. Vous allez être ceux qui vont le plus regretter mon affectation ici, je vais vous redresser. Vous allez bien, capitaine? À partir de maintenant, ce sera ma mission de faire de vous les meilleurs de toute la ligne de front. On nous jalousera. Nous serons des héros. De mon côté, je mettrai au point un plan d'attaque qui nous permettra de percer les défenses ennemies et de reprendre nos terres. Messieurs, nous sommes en guerre pour la République! Allez, un peu d'enthousiasme! Allez, oui. Oh, c'est pas gagné.